café à ou deux grammes de hache dans la poche. Quand j'ai rencontré Peter Tosh, il m'a dit a reggae rap-a-dub style. Je me suis levé ce matin de bonne heure. J'ai croisé Bob Marley et les Wailers. Ils m'ont dit oh no woman no cry. Légalisé ganja, légalisé marijuana. Ouais, j'aimerais bien tirer une taffe sur un petit joint, juste histoire de voir plus loin. Et je ferai tourner everybody à Don Bogart et John. My friend, my friend, my friend. J'ai pris des tripes, de la coke et puis de l'héro, mais juste comme ça, histoire de goûter. J'ai arrêté, oui, mais où sont passées mes feuilles à rouler. Oh yeah.